Let us pray. Prions. In the name of Jesus. Mighty Father. Puissant Père. The God of heaven. Le Dieu du ciel. Father, we thank you this night. Père, nous te disons merci cette nuit. That you have gathered us here today. Est-ce que tu nous as rassemblés ici aujourd'hui? In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Father, at this place. Seigneur, en ce lieu. May you release your grace. Que tu relâches ta grâce. And favor here. Et ta faveur ici. That from here. Et que partant d'ici. Revival may begin. Que là, le réveil commence. In this land. Dans cette terre. Father, in this nation of Cameroon. Père, dans cette nation du Cameroun. May you speak to them. Que tu leur parles. That this land. Pour que cette terre. May also prepare the way puisse préparer le chemin for the glorious coming of the Messiah. Pour la glorieuse venue du Messie. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Let us clap the Lord. Applaudissons pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur. I want to say that I'm indeed very blessed. Je voudrais dire que je suis vraiment béni. That the Lord has sent me here, que le Seigneur m'ait conduit ici, to your very precious nation, dans votre précieuse nation. Now, maintenant, why do I come to Cameroon? Pourquoi suis-je venu au Cameroun? At this time, en ce moment. In other words, why does the Lord send me at this hour to Cameroon? En d'autres termes, pourquoi est-ce que le Seigneur m'envoie à ce moment au Cameroun? Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. I want you to know je veux que vous sachiez that the Lord, the God of our Lord Jesus, que le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, he has spoken with me, il a parlé avec moi regarding the coming of the Messiah, concernant la venue du Messie. And that is what we are going to centralize on. Et voilà ce sur quoi nous allons mettre le, sera notre point focal. In other words, en d'autres termes, when God the Father spoke with me about the coming of the Messiah, lorsque Dieu le Père a parlé avec moi au sujet de la venue du Messie, what did the Lord say? Qu'est-ce qu'il a dit? It was a tremendous vision of the Lord. C'était une énorme vision du Seigneur. At about 3 a.m. in the morning, c'était à peu près à 3 heures du matin, November 1, le 1er novembre, 2006, 2006. That is about 8 years ago. Ça veut dire à peu près il y a 8 ans. And in that vision of Jehovah, et dans cette vision de Jéhovah, this is what I saw. Voici ce que j'ai vu. I found myself looking at the thick, dark sky. Je me suis retrouvé en train de regarder dans un nuage épais. Then all of a sudden, et soudainement, heaven receded back, opened into the thick dark sky. Le ciel s'est ouvert, s'est ébranlé au milieu de cette épaisse obscurité. Then I saw the tremendous, powerful glory in heaven. Et j'ai vu cette énorme, puissante gloire dans le ciel. The brilliance of God's glory. La clarté, la brillance de la gloire de Dieu. The authority of God's glory. L'autorité de la gloire de the Dieu. The power of God's glory. La puissance de la gloire. I saw. J'ai vu. But as I saw, mais et comme j'ai vu, then I saw something else. Et j'ai vu autre chose. That was not the color of the glory. Qui n'était pas dans la couleur de la gloire. That is when I realized. C'est là que j'ai réalisé. That oh, these are too mighty. Que ces deux puissants. Too mighty. Deux puissants. Glorious. Glorieuse. Powerful. Puissante. Golden wedding rings. Donc c'était deux puissantes, glorieuses alliances de mariage en or. Then, et alors, all of a sudden, soudainement, the voice spoke from inside heaven. Une voix a parlé de l'intérieur des cieux. What did the voice say? Qu'est-ce que la voix a dit? Everybody focus on me now. Tout le monde, focalisez-vous sur moi. Showing me the rings. Me montrant les bagues. And then now the voice speaks from inside heaven. Et maintenant la voix parle de l'intérieur des cieux. What did the voice say? Qu'est-ce que la voix a dit? This is what he says. Voici ce que la voix dit. He said, elle dit, from today on, à partir d'aujourd'hui, all authority, toute autorité, in heaven, dans les cieux, and authority on the earth, et l'autorité sur la terre, has been given to Christ Jesus. A été donné à Christ Jésus. Hallelujah. Hallelujah. I have delivered the message. J'ai déjà livré le message. In other words, if I leave now, it's okay. En d'autres termes, si je pars maintenant, c'est que c'est, ça va. Once I say this, I have delivered the message. Because you understand now. Dès que je dis ceci, j'ai déjà délivré le message parce que vous comprenez. He said, il a dit, all authority in heaven, toute autorité dans les cieux, and authority on the earth, et autorité sur la terre, has been given to Christ Jesus. A été donné à Christ Jésus. And so beginning from that point on, et donc commençant à partir de ce moment-là, inside the vision, à l'intérieur de la vision, I now looked at the wedding rings differently. J'ai commencé à regarder à ces alliances différemment. Because now I understood, parce que là maintenant je comprenais, that these wedding rings, que ces alliances de mariage, they represent, représentent, they present, présentent, they announce, annoncent, they trumpet, trumpet, son the authority of the Messiah, l'autorité du Messie. Good morning, Cameroon. Bonjour, Cameroun. There is a new day in church. Il y a un nouveau jour dans l'église. But listen to me now. Mais écoutez-moi maintenant. I began to understand, j'ai commencé à comprendre, that now what I was seeing unfold in my eyes. Parce que j'ai compris maintenant quand j'étais en train de voir, that these mighty, golden, glorious, powerful wedding rings, je voyais cette puissance glorieuse, alliance de mariage, they are actually the embodiment, they are the representation of the authority of the Christ. C'était la représentation de l'autorité du Christ. Alléluia. And then there was a silence again. Et là, il y avait un silence. Silencio, silence. Il y avait un silence. There was a silence and they continued tilting. Et il y avait un silence et l'église là-bas continuait d'être tournée. Then the voice spoke from heaven again. Et la voix a parlé une fois encore du ciel. Non. What did the voice say? Qu'est-ce que la voix a dit? The second time. Pour la deuxième fois. And he said, et la voix dit, look and see. Regarde et vois. Who is seated on the white horse? Qui est assis sur le cheval blanc? And I remember, et je me suis souvenu, when I looked at the wedding rings, quand j'ai regardé aux alliances de mariage, sitting at the entrance to heaven, positionné à l'entrée du ciel. So when I looked slightly above the two wedding rings, quand j'ai regardé légèrement au-delà des deux alliances, inside heaven, à l'intérieur du ciel, then I saw, alors j'ai vu, the most powerful, la plus puissante, glorious, glorieuse, mighty, grande, white horse, cheval blanc. I want to say the following. Je veux dire ce qui suit. Because of the condition of the church in Cameroon. À cause de la condition de l'église au Cameroun. I want to give you certain points so we can be on the same page. Je veux pouvoir partager avec vous certains points pour que nous soyons sur le même diapason. Whenever the Lord Jehovah speaks, chaque fois que le Seigneur Jehovah parle, when you listen, quand vous écoutez, you will hear the Lord, vous allez écouter, entendre le Seigneur, centralizing the holiness of God in the church. Il va mettre l'accent sur la sainteté de Dieu dans l'église. Centraliser la sanctification de Dieu in l'église. Il va centraliser sur la sanctification, la sainteté de Dieu dans l'église. Oh yes, you will hear one thing. Tu vas entendre une chose. Holy, holy, holy. Saint, saint, saint. Be holy. Soyez saint. For I am holy. Car je suis saint. Oh yes. Because of the condition of the church, à cause de la condition de l'église, I must give this foundation. Je dois mettre cette fondation. Before the revelation. Avant la révélation. Every time Jehovah speaks, chaque fois que Jehovah parle, you'll hear one thing. Vous allez entendre une chose. He must always rebuke sin. Il va toujours réprimander le péché. Why? Pourquoi? Because he is holy. Parce qu'il est saint. Why? Pourquoi? Because he loves you. Parce qu'il vous aime. And if he sees you going on the wrong road, et si vous voyez en train d'aller sur la mauvaise voie, he must rebuke sin. Il doit réprimander le to péché. To bring you back. Pour vous ramener. To the road going to heaven. Pour la, sur la voie qui mène. Because he loves you. Parce qu'il vous aime. If you check the Bible, si vous prenez la Bible, whenever the Lord spoke with Israel, chaque fois que Dieu parlait avec Israël, he always rebuked sin. Il a toujours réprimandé le péché. Jeremiah, Jérémie, Isaiah, Esaïe, Malachi, Malachi, Ezekiel, Ezekiel, everybody there, tous ces personnes, he rebuked sin. Ont réprimandé le péché. Bonjour Cameroun. Bonjour. Good morning Cameroun. Bonjour Cameroun. There is a new day in the church. Il y a un nouveau jour dans l'église. Oh yes, you have to move into the new day. Et vous devez entrer dans le nouveau jour. Can I move to the other one? Est-ce que je peux aller sur Because prochain of time, point? I don't have time. Number four. Point 4. Every time the Lord Jehovah speaks. Chaque fois que l'Éternel Jéhovah parle. When you listen carefully. Si vous écoutez attentivement. Even in the Old Testament. Même dans l'Ancien Testament. When the Lord speaks, lorsque le Seigneur parle, and you listen very carefully, et vous écoutez attentivement, this is what you hear. Voici ce que vous entendez. He will say, il dira, look, the coming Messiah. Regardez, le Messie qui arrive. You did not understand me. Oh, vous n'avez pas compris cela. There is nobody in the house. Il n'y a personne ici. You need circumcised ears to hear this. Il vous faut des oreilles circoncises pour comprendre ceci. He's saying, il dit, even in the Old Testament, même dans l'Ancien Testament, if you read the book of John chapter 3, si vous regardez Jean chapitre 3, that is not our main scripture. C'est pas notre texte principal. But that's just an example I'm giving. Mais c'est juste un exemple que je vais donner. John chapter 3, 14. Jean chapitre 3, verset 14. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. De la même façon que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi ainsi élevé. Do you understand me? Est-ce que vous me comprenez? Whenever the Lord spoke, even in the Old Testament, chaque fois que l'Éternel a parlé, même dans l'Ancien Testament, he was saying, il était en train de dire, look, the coming Messiah. Regardez le Messie qui arrive. Even when the Lord released manna from heaven, the bread, holy bread from heaven. Même quand le Seigneur a relâché la manne, le pain saint venant du ciel. To Israel. À Israël. He was saying, look. Il est en train de leur dire, regardez. I will send you. Je vais vous envoyer. The living bread. Le pain de vie. From heaven. Du ciel. That if any man eat, de pain que si quelqu'un n'importe qui mange, he may not hunger again, il n'aura plus jamais faim, but enter eternity. Mais va entrer dans l'éternité. So, we don't have time. Nous n'avons pas le temps. I'm just giving you the example so you may know. Je vous donne juste des exemples pour que vous puissiez comprendre. That whenever the Lord spoke, que chaque fois que l'Éternel a parlé, whenever Jehovah speaks, que chaque fois que Jehovah parle, if you listen carefully, si vous prêtez attention, you will always hear, look, the coming Messiah, prepare the way. Vous allez entendre juste une chose, le Messie arrive, préparez le chemin. Then what is the message? Si c'est le cas, alors quel est le message? Behold the power of God. Voici la puissance de Dieu. The renewal. Le renouvellement. The revival. Le réveil. Resuscitation. La ressuscitation. Resurrection. La résurrection. Restoration. La restauration. Renovation. La rénovation. The rehabilitation. La réhabilitation. Of the church. De l'église. That's why I come. Voilà pourquoi je viens. Then what is the message? Si c'est le cas, alors quel est le message? Turn with me the book of Revelation. Allons encore dans le livre d'Apocalypse. Chapter 19. Apocalypse 19. Verses 6 to verse 9. Only three versets. Verses 6 à 9. Juste trois versets. Revelation 19. Apocalypse 19. Verses 6 to verse 9. Only three verses. Verses 6 à 9. Juste ces trois versets. Oh yes. This is the day. Voici le jour. I have been waiting for. Que j'ai tant attendu. To meet the church in Cameroon. Pour rencontrer l'église du Cameroun. And then. Et alors. To sort it out. To have a serious conversation. Pour qu'on s'asseye et qu'on ait une causerie. Serious conversation. Une sérieuse conversation. Revelation chapter 19. Apocalypse chapitre 19. Verses 6 to verse 9. Verset 6 au verset 9. Let us see what the Bible says about that day. Voyons ce que la Bible dit au sujet de ce jour. What the Bible says about the vision of the two golden, glorious, powerful, mighty wedding rings. Ce que la Bible dit au sujet de la vision de cette glorieuse, puissante, merveilleuse alliance. He says, then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verse 7. Verset 7. He says, let us rejoice and be glad and give him glory. Rejoice, be glad, give him glory. For the wedding of the Lamb has come. And his bride has made herself ready. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Se réjouis et être dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Verse 8. Verset 8. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. And he says, fine linen stands for the righteousness. Righteous acts of the saints. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Then the angel said to me, write, blessed are those who are invited into the wedding feast of the Lamb. And he added, these are the true words of God. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Everybody pay attention to me. Alors tout le monde prête attention ici. This is now very powerful, this one. Alors ici, alors c'est très puissant. This one has so much power now. Alors ceci a tellement de puissance maintenant. He's saying, il dit, that day, que when the day of the wedding of the Lamb come. Que quand le jour du mariage de l'agneau arrive. When that day arrives. Quand ce jour-là arrive. Then he says the following. Alors il dit ce qui suit. Number one. Première chose. If you look at the way he describes the celebration. Lorsque aussi vous regardez la manière dont il décrit la célébration. The way he describes the felicitation. La manière dont il décrit la félicité. The way he describes the jubilation. La manière dont il décrit le jubilé. Then you realize. Alors vous réalisez. That this must be a historic day in the kingdom of God. Alors vous réalisez que ce jour doit être certainement un jour historique dans le royaume de Dieu. That's the first thing you pick. Voilà la première chose que vous pouvez saisir. When he begins to talk about the day that the two wedding rings are announcing, you begin to hear that there is a historic celebration in the kingdom of God. Lorsqu'il commence à parler du jour que les deux alliances de mariage annoncent, vous comprenez qu'il y a, et ça parle d'un jour, d'une grande célébration dans le ciel. A historic day of celebration. Un jour historique de célébration. And when you hear him announce it, et lorsque vous l'entendez annoncer cela, he says, il dit, it is like multitude upon multitude, millions. Il dit, c'est comme des multitudes sur multitudes. And he hears them shouting like thunder. Et vous les entendez crier comme le tonnerre. And when you listen carefully, why they are celebrating. Et lorsque vous prêtez attention à ce pourquoi ils célèbrent. And what they are saying, et ce qu'ils sont en train de dire, like millions thunder, comme des millions de tonnerres. Look at what he says. Écoutez à ce qu'il dit. He says, il dit, you hear them say, il dit, vous l'entendez dire, that hallelujah, que, hallelujah, let us shout for joy, qu'il y a un cri de joie, and he says, hallelujah, et il dit, hallelujah, for our Lord God Almighty surely reigns. Car notre Dieu Tout-Puissant règne vraiment. Make sure you get this. Alors, rassurez-vous que vous saisissez ceci. Make sure you catch this. Alors, rassurez-vous que vous saisissez ceci. You remember in the vision, vous vous souvenez dans la vision, the voice said, la voix a dit, and from today on all authority, qu'à partir d'aujourd'hui, toute autorité, in heaven and on earth, dans les cieux et sur la terre, has been given to Christ Jesus. A été donné au Seigneur Jésus Christ. Now I'm beginning to understand what the authority of Christ Jesus is. Alors là, je commence à comprendre ce qu'est vraiment l'autorité du Christ Jésus. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. He says, in other words, il dit, en fait, en d'autres termes, we have been living all the other days, nous avons vécu tous les autres jours, worshiping all the other days. Nous avons adoré pendant tous les autres jours. He said, praising the Lord all the other days. Louant le Seigneur tous les autres jours. Praying all the other days. Priant tous les autres jours. But when that day arrives, mais quand ce jour-là arrive, it is as though, c'est comme si, that is the day, voilà le jour, that put a rubber stamp, bam, approval. C'est comme si c'est ce jour-là que le sceau est placé, boom. That is like the day, it is as if they are saying, that is the day that puts the seal, boom. C'est comme si tout est en train de dire, voilà le jour où il met le cachet, le sceau, boom. As though, comme si, that is the day, ce jour-là est le jour, that affirms and confirms, où on affirme et confirme, that surely, que certainement, the Lord Jehovah our God, que le Seigneur Jéhovah notre Dieu, he reigns. Il règne. It is as though, c'est comme si, he's saying, il est en train de dire, that for many years, pendant plusieurs années, God the Father, Dieu le Père, he gave the Son, il a donné le Fils, to go to the cross, qu'il aille à la croix, to suffer, pour souffrir, abused, l'abus, blackmailed, insulté, ridiculed, ridiculisé, he was slandered, il a été moqué, they spat on the face, poo on the face, ils ont craché sur le visage, he sent him, il l'a envoyé, and for many years he was missing in heaven, et pendant ces années, toutes ces années, and he went to the cross. Et il allait à la croix. And when he went to the cross, et lorsqu'il allait à la croix, and he finished the job, et il a fini le travail, and he defeated death, et il a défié la mort, and went on the right hand side of the Father, et allait à la droite de Dieu le Père. From that time on, à partir de ce moment-là, heaven has been waiting. Le ciel, les cieux étaient en train d'attendre. They have been waiting. Ils ont été dans l'attente. The work is finished. Le travail est terminé. Perfectly. Parfaitement. But where is the fruit of the cross? Mais où est la vérité de la croix? Fruit. Le fruit de la croix. Where is the fruit of the cross? Où est le fruit de la croix? The work has been finished. L'œuvre a été achevée. When the Messiah looks at himself, he can see the scars. Lorsque le Messie se présente, on peut voir les cicatrices. The scars. On peut voir les cicatrices. The signs of the abuse he can see. Les signes, les marques de l'abus qu'il the a subi. The price he paid, he can see. Le prix qu'il a payé, on peut le voir. But heaven is asking one question. Mais les cieux posent une question. But where is the fruit of the cross? Où sont les fruits de la croix? And he's saying, et il dit, that is the day, voilà le jour, when the fruit of the cross, ou le fruit de la croix, finally enters the kingdom of God. Va finalement entrer le royaume de, dans le royaume de Dieu. I want you to understand this. Je veux que vous compreniez ceci. Then you will understand the gravity of the message I'm about to give you. Alors vous allez comprendre la gravité du message que je suis. He's saying, il dit, that those two wedding rings in the sky, que ces deux alliances de mariage dans le ciel, they are essentially announcing to the nations, elles sont essentiellement en train d'annoncer aux nations, that look, que regardez, heaven is now prepared, le ciel est maintenant préparé. In Matthew chapter 24, dans Matthieu chapitre 24, verse 36 to 42. Verset 36 à 42. Now I will summarize it for you. Maintenant, je vais faire un résumé. He says, il dit, nobody knows the day or the hour, que nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Not even the angels, not even the Messiah. Même pas les anges, encore moins le Messie. And he says, et il dit, only God the Father, seul Dieu le Père, knows the day and the hour. Connaît l'heure et le jour. And he says, et il dit, like it was during the time of Noah, comme ce fut au temps de Noé, so will it be, ainsi sera-t-il, at the time of the coming of the Messiah. Au moment, ainsi en sera-t-il du retour du Messie. The Lord was saying to the church, le Seigneur était en train de dire à l'église, look what you have been waiting for. Regarde ce que tu attendais depuis. Have you understood me? Est-ce que vous m'avez compris? Do you understand the message I'm announcing here? Est-ce que vous comprenez le message que j'annonce ici? It's very serious. C'est très sérieux. If you miss this, you are finished. Si vous manquez cela, alors vous êtes fini. He says, il dit, Cameroon, Cameroon, I am coming. Je viens. Says the Lord. Ainsi parle l'Éternel. That means, cela signifie, that is the day the church will be raptured in the kingdom of God, que c'est le jour où l'église va être enlevée dans le royaume de Dieu, and the wages of sin is death, et le salaire du péché c'est la mort, and that means, et cela signifie, using this vision, qu'il donne en utilisant cette vision, he gives responsibility to the church. Il donne la responsabilité à l'église. Responsibility to the pulpit. Responsabilité à la chair. And he says, et il dit, that look, que regardez, how much time I have taken to prepare. Considérez combien de temps j'ai pris pour préparer. How about you? Qu'en est-il de toi? How about you? Qu'en est-il de toi? Have you taken all your time also to prepare? As-tu pris aussi tout ton temps pour te préparer? That is why I have come to Cameroon. And the wages of sin is death. Et le salaire du péché c'est la mort. And that means, et ça signifie, ever since you received Christ Jesus as Lord and Savior, depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, have you been preparing? As-tu été occupé à préparer? For this day. À te préparer pour ce jour. Have you also invested all your salvation on this day? Avez-vous aussi investi tout votre salut dans ce jour? And he says, et il dit, fine linen, bright and clean, fin lin éclatant et pur, was given to the church to wear, a été donné à l'église pour qu'elle puisse se revêtir. And he says, et il dit, the fine linen is righteousness, que le fin lin c'est la justice. Now let me give you the message. Alors que je vous donne le message. That means, cela signifie, the Lord has sent me here, le Seigneur m'a envoyé ici, to announce to the church in Cameroon, in Douala, pour annoncer à l'église du Cameroun à Douala, to say to them, pour leur dire, that hey, que hey, are you aware, êtes-vous au courant, that we have entered, que nous sommes entrés, into the dispensation, dans la dispensation, of the fine linen, du fin lin. The church has entered, l'église est entrée, into the dispensation, dans la dispensation, of the righteousness of God, de la justice de Dieu. Are you aware? Êtes-vous au courant? I am saying, je suis en train de dire, that Cameroon, que le Cameroun, how come you don't know, comment se fait-il que vous ne sachiez pas, that the nations, que les nations, are now entering the dispensation of righteousness. Ils sont en train d'entrer maintenant dans la dispensation de la justice. He has shown me. Il m'a montré. The garment of the church in Cameroon. Il m'a montré le vêtement de l'église au Cameroun. When I see the garment that the church is wearing in Cameroon. Lorsque je vois le vêtement que l'église est en train de porter au Cameroun. I see the first sin. Je vois le premier péché. Immorality. L'immoralité. Sexual sin. Le péché sexuel. In the church. Dans l'église. Sexual sin. Le péché sexuel. In the worship. Dans l'adoration. Sexual sin. Le péché sexuel. In the pulpit. À la chair. Cameroun. Cameroun. How come? Comment se fait-il? You don't know. Que tu ne saches pas. That you are the generation that is supposed to wear the garment of the Lord. Qui est supposé se revêtir du vêtement du Seigneur. How come? Comment se fait-il? He's saying. Il dit. That when I see the garment of the church in Cameroon. Que lorsque je vois le vêtement de l'église du Cameroun. I see a big stain. Je vois une grosse tache. Sexual sin. Péché sexuel. Sexual immorality. Immoralité sexuelle. Pornography. La pornographie. Everything, including adultery. Fornication, adultery. Toutes choses incluent l'adultère, la fornication. A big stain. Une grosse tache. And he's saying. Et il dit. That the reason. Que la raison. That sin has become principal in the church. Que ce péché est devenu le péché principal dans l'église. Is because. C'est parce que. There is another gospel. Parce qu'il y a un autre évangile. The gospel of money. L'évangile de l'argent. The gospel of prosperity. L'évangile de la prospérité. The gospel of corruption. L'évangile de la corruption. The gospel of death. L'évangile de la mort. The gospel of the devil. L'évangile du diable. Is in the church. C'est dans l'église. The gospel. L'évangile. That has no power for deliverance. Qui n'a aucune puissance pour la délivrance. No power. Aucune puissance. For deliverance. Pour la délivrance. That's why. C'est pourquoi. Sexual sin. Le péché sexuel. Is big in the church. A pris la place, une grande place dans l'église. When you look at the church, lorsque vous regardez l'église, and you look at the dressing of the women in the church, et vous regardez les tenues des femmes dans l'église, the breast is open, les seins sont dehors. Sometimes, parfois, it is very tight, so the pastor must see my anatomy. Parfois, c'est tellement serré parce qu'il faut que le pasteur découvre mon anatomie. Sometimes there is a slit. Parfois, il y a une fente. A cut. Il y a une fente. That the pastor may see my legs. Pour que le pasteur puisse voir mes jambes. That the men in the church may see my legs and lust at me. Sexual lust. Codicia sexual. Pour que les hommes à l'église puissent voir mes jambes, mes cuisses et commencer à me convoiter sexuellement. And the Bible says. Et la Bible dit. In the book of Matthew chapter 5. Dans le livre de Matthieu chapitre 5. He says. Il dit. Verse 27-28. Verset 27 à 28. He says, you have heard it said, do not commit adultery. Il dit, il vous a été dit de vous ne commettrez point l'adultère. But I tell you the truth. Mais je vous dis en vérité. Whoever looks at a woman and lusts. Quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur. Fallen. Il est tombé. Did you understand me? Est-ce que vous me comprenez? And the wages of sin is death. Et le salaire du péché c'est la mort. And that means. Et ça signifie. If you are not wearing the garment of God now. Si vous ne revêtez pas du vêtement de Dieu maintenant. Forget it. Oubliez. Forget it. Oubliez. Forget it. Oubliez. Time is over. Le temps est terminé. Any moment. À n'importe quel moment. The Messiah comes. Le Messie va arriver. Any moment. À tout moment. He says, il dit, nobody knows the day or the hour. Nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Only God the Father. Seul Dieu le Père. And he's saying, et il dit, that in Cameroon, qu'au Cameroun, there is a gospel that the devil has brought to the pulpit. Il y a une sorte d'évangile que le diable a amené à la chair. The gospel of the things of the world. L'évangile des choses du monde. The gospel that says, l'évangile qui dit, if you sow a seed, si vous semez, mettez une semence, semilla, si vous semez une semence, you will get a miracle. Vous aurez un miracle. The gospel, l'évangile of money, de l'argent. The gospel, l'évangile that has commercialized the blood of Jesus, qui a commercialisé le sang de Jésus, that is selling the blood of Jesus, qui vend le sang de Jésus, and he's saying, et il dit, that right now, que maintenant, if you look at the church in Cameroon, si vous regardez l'église au Cameroun, you see abomination, abomination, abomination, abomination. Vous voyez abomination, abomination, abomination. They are selling. Ils vendent. They are selling at market price. Ils vendent au prix, à prix d'argent. They are saying. Ils vendent. That you see. Ils disent que. I am the apostle of God. Je suis l'apôtre de Dieu. I want to bless only 10 people here. Je veux bénir juste 10 personnes ici. And they are saying. Et ils disent. I don't want to bless more. Je ne veux pas bénir plus que ça. I don't want 11. Je ne veux pas 11. He says only 10. Il dit seulement 10. And he says I want 10 serious people. Et il dit je veux prendre 10 personnes sérieuses. People who can give something until they feel pain. Et les gens qui peuvent donner quelque chose jusqu'à sentir la douleur. The Lord, they give until they feel pain. Qu'ils donnent jusqu'à ce qu'ils sentent la douleur. He says, il dit, I am looking for people that can give $3,000 each. Je veux des gens qui vont donner chacun $3,000. And he says, il dit, he does not want 11. Il ne veut pas 11. He wants only 10. Il veut juste 10. And you see women running. Et vous voyez des femmes qui courent. They are leaving their sandals. Ils laissent les sandales. He says, if you don't have now, write a check. Et il dit, si tu n'as pas ça ici, tu peux écrire un chèque. Women are running. Et les femmes qui courent. Without shoes. Sans chaussures. And they say, Pastor, that is me you are talking about. Et ils disent, Pastor, c'est de moi que tu es en train de parler. And they sow a seed. Et ils vont semer une semence. After he gets in 10 people. Après ces 10 personnes. Then he says, okay, I don't want to leave anybody out. Il va maintenant dire, je ne veux laisser personne tomber. Then he says, those with 1,000 also come. Il dit, maintenant ceux qui n'ont que $1,000 qui viennent aussi. The message of the glorious wedding ring of Jehovah. Le message de l'alliance glorieuse du mariage de Jéhovah. It says, dit, that in the church in Cameroon, que dans l'église du Cameroun, the devil has brought his gospel that has no power. Et là, le diable a amené son évangile qui n'a pas de puissance. And that gospel of prosperity, et cet évangile de prospérité, that gospel of money, cet évangile de l'argent, has given birth a donné naissance to false prophets, aux faux prophètes, false apostles, des faux apôtres, and they are full in the church. Et ils sont pleins dans l'église. And the Lord is saying, et le Seigneur est en train de that dire, he has sent me here, qu'il m'a envoyé ici, with a sword, avec l'épée, with a sword, avec l'épée, to cut them, pour les couper, to cut the neck, pour couper leur cou. I want to cut. Je veux couper. I must cut. Je dois couper. It is time to cut. C'est l'heure, le temps de couper. The time for cutting the false apostles is now. Le temps de couper les faux apôtres, c'est maintenant. That the church may be released. Pour que l'église puisse être relâchée. To go and prepare for the Messiah. Pour aller se préparer pour le Messie. That's why I have come. Voilà pourquoi je suis venu. And I told you. Et je vous dis, I don't come for nothing. Je ne viens pas pour rien. I don't come to take your money. Je ne viens pas prendre votre argent. I don't come that you like me. Je ne viens pas pour que vous m'aimiez. If you like me, si vous m'aimez, I will become suspicious with you. Je vais devenir, vous allez devenir suspect à mes yeux. Because I know you cannot like me. Parce que je sais que vous ne pouvez pas m'aimer. Because I'm rebuking the bad dressing of the women in the church. Parce que je réprimande les mauvais habillements des femmes dans l'église. And I'm rebuking the false prophets. Et je réprimande les faux prophètes. The prophets with weak tongue, weak tongue, weak les prophètes à la langue légère. They cannot pronounce holiness, holiness, holiness. They cannot. Ils ne peuvent pas prononcer sainteté, sainteté, sainteté. The prophets of the stomach, les eating, eating, eating stomach. Le manger, manger, les prophètes du ventre. The prophets of the devil. Les prophètes du diable. The prophets of the flesh. Les prophètes de la chair. The prophets and the apostles of the devil in the church. Les prophètes et les apôtres du diable dans l'église. Because when I come, parce que quand je viens, I will not promise you checks in the mail. Checks. Je ne vais pas vous promettre des chèques. But I'll promise you one thing. Mais je vous promets une chose. The eternal glorious kingdom of God. Le royaume éternel glorieux de Dieu. The kingdom that has no boundary. Le royaume qui n'a pas de frontières. The kingdom that never ends. Le royaume qui ne finit jamais. The kingdom that you cannot purchase with money. Le royaume que vous ne pouvez pas acquérir à prix d'argent. That I give you. C'est ça que je vous donne. Oh yes. Oh yes. Oh yes. That's why I am here. That's why I'm here. Voilà pourquoi je suis là. When I come, quand je viens, I don't want to play games. Je veux pas m'amuser. And be careful. Et faites attention. You don't understand when I say. Vous ne comprenez pas lorsque je dis. That I'm holding the sword of God. Que je tiens l'épée de Dieu. Please don't play around. Je vous en prie. This is not a joke anymore. Ce n'est plus une blague. The devil has entered there. Le diable est entré là-bas. And brought another gospel. Another. Et a apporté un autre évangile. A gospel that is modern. Un évangile qui est moderne. If you look at the garment of the church, there is another gospel, a big stain. Si vous regardez le vêtement de l'église, il y a un autre évangile, une grosse tache. That gospel there has no holiness. Cet évangile n'a pas la sainteté. The pastor cannot rebuke sin. Le pasteur ne peut pas réprimander le péché. Because they are looking for this. Parce qu'ils cherchent ceci. That's why I have come. Voilà pourquoi je suis venu. And when I say I have come, et quand je dis je suis venu, he says, il dit, here I come. Il dit, voici je viens. Says the Lord. Ainsi parle le Seigneur. Listen to me. Écoutez-moi. The Lord is saying, le Seigneur est en train de dire, that this is the hour. Que voici l'heure to get the abortion out of church, pour ôter l'avortement de l'église, to get the adultery and fornication out, pour sortir l'adultère et la fornication hors de l'église. This is the hour, voici l'heure, for you to refuse the false prophets, pour vous de refuser les faux prophètes, to refuse the false apostles, de refuser les faux apôtres. That a new church, pour qu'une nouvelle église, may be birthed out in Cameroon, puisse naître au Cameroun. A holy church, une église sainte, the glorious bride, une épouse glorieuse. He's saying the light of the world, il dit la lumière du monde, the church with power, l'église avec la puissance. These are the days, voici les jours, of power in the church, de la puissance dans l'église. Oh yes. If you miss this, you are finished. Si vous manquez cela, alors vous êtes fini. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. If there is anybody that is not ready, if the Messiah came today. S'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, si le Messie venait aujourd'hui. If you know that you are not right before the Lord. Si vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. If you know that you are not right before Jehovah now. Si vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Jéhovah maintenant. If that is you, lift up your hands very high, not secretly, very si high. Si c'est yes. Vous, levez votre Thank main you very much, very high. Repeat after me in a very, very mighty way. Répétez après moi de manière très forte. Say, precious Jesus. Précieux Jésus. I come before you tonight. Je viens vers toi ce soir. And surrender my life to you. Et je t'abandonne ma vie. Precious Lord. Précieux Seigneur. I repent right now. Je me repens maintenant. And ask you, Lord. Et je te demande, Seigneur, to forgive me. De me pardonner. I have heard your word. I have heard your word. J'ai entendu ta parole. About the coming of the Messiah. À propos du retour du Messie. And about the revival of righteousness. Et par rapport au réveil de la justice. Today I surrender my ministry to you. Aujourd'hui, je te livre mon ministère. And ask you to consume my ministry with fire. Et je te demande de consumer mon ministère par le feu. And bring revival. Et amène le réveil. And power. Et la puissance. And authority. Et l'autorité. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I am born again. Je suis né de nouveau. Let me pray for you. Permettez-moi de prier pour Let vous. Me pray for this blessed nation. Permettez-moi de prier pour cette nation bénie. Let me pray for this blessed church. Que je prie pour cette église bénie. Mighty Father. Père puissant. Father, I lift up my left prophetic arm towards heaven. Père, je lève ma gauche prophétique vers le ciel. Towards you and towards your mighty counsel in heaven. Vers toi et ton conseil puissant dans le ciel. And Lord, I decree here in this land of Cameroon. Et Seigneur, je décrète ici sur cette terre du Cameroun. That a massive revival will explode here. Qu'un réveil massif va exploser ici. A revival of righteousness. Un réveil de la justice. A revival of repentance. Un réveil de repentance. And holiness. Et de sainteté. Precious Lord. Père gracieux. I ask you to consume their ministries. Je prie que tu consumes leur ministère. And I ask you, my Father. Et je demande mon Père. To anoint these precious servants. Joindre ces précieux serviteurs. Give them the anointing of this hour. Donne-leur l'onction de cette heure. To rebuke sin. Pour réprimander le péché. To bring righteousness. Pour amener la justice. And prepare the church. Et préparer l'église. In glory. Dans la gloire. And remove disease. Et enlever le péché. And bring deliverance. Et apporter la délivrance. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. So be it. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Thank you.